France Impro, ça donne chaud. Bonjour et bienvenue sur France Impro, sur FMR 89.1. Aujourd'hui, c'est spécial contrebasse. C'est un spécial contrebasse avec trois contrebasses dans notre petit studio, dans le petit studio de FMR. Trois contrebasses avec Éric Brochard, que je ne présente plus puisque l'émission précédente, il était déjà là. Avec Youssef Ghazal, que je ne présente plus non plus parce que à peu près toutes les émissions précédentes, il était là. Et avec Vincent Ferrand qui était juste un tout petit peu là dans l'émission précédente, mais juste un petit peu parce que je crois qu'il a des petits soucis de calendrier, puis il est un peu malade, mais il va quand même faire de son mieux pour que ce soit un trio extraordinaire. Donc trio, le concept de l'émission, c'est carte blanche à trois contrebassistes improvisateurs. Normalement, ils vont jouer en direct. Ils vont éventuellement causer un petit peu, bien que là, la façon dont les micros sont mis en place, je ne sais pas trop comment ils vont s'y prendre. On verra, on va voir, on va improviser l'émission. Je vous propose qu'on commence tout de suite, ça vous va? Je branche les micros et c'est parti les gars. France Impro spécial contrebasse. Thank you. Thank you. Bravo. Alors, c'est la folie dans le studio de la studio FMR 89.1 sur France Impro. Bienvenue sur France Impro. C'était un trio pour aujourd'hui, la spéciale contrebasse, avec Éric Brochard, Youssef Ghazal et Vincent Ferrand. Donc un trio improvisé qui jouait de la musique improvisée. Est-ce que vous voulez discuter un petit peu de ce que vous venez de faire ? Alors là, il faut que... Pardon ? Pas tout de suite maintenant comme ça. D'accord, très bien. Mais... Alors sinon, l'autre possibilité, c'est... On joue encore un peu. Oui, oui, si... prenez le temps de poser les contrebasses tranquillement. Voilà, donc il faut imaginer quand même un tout petit studio avec trois contrebasses, ça prend de la place. Alors, c'est toujours un moment un peu délicat, le moment juste après une improvisation. C'est un moment où on redescend doucement et où c'est toujours compliqué de causer un peu, mais bon, là, on est à la radio, donc on va quand même essayer. Là, les contrebasses sont mises de côté. La porte du studio est rouverte pour faire de l'espace. Voilà, tout le monde s'installe, reprend place devant les micros. Voilà. Youssef, premier opérationnel. Je suis solidaire. Merci Youssef. C'est génial. Eh bien oui, en fait c'est ça, c'est évidemment délicat de parler juste après avoir joué. C'est un truc qui se lâche effectivement, mais bon, on est bien content. Voilà, c'est des sessions assez rares pour... Ouais, c'est très agréable. Ah ouais, franchement, super agréable. Hey, sérieux. En fait, là, ce matin, avant de venir, je suis allé amener ma fille à l'école. Et donc, avant de partir, je dis à ma copine, parce que j'avais marqué, pas le 14 mars, j'avais marqué le 14 avril. Donc, je me barre et je dis à mon amoureuse, je dis, bon, bah, t'inquiète pas, quand je reviens, on fait l'amour. Et puis là, 10 minutes après, il y a Youssef qui m'appelle et me dit bon alors, comment on fait ça tu vas être très encombré puisque j'ai amené deux contrebasses. Et donc là, je dis merde, putain, c'est le 14 mars, alors vite, bah écoute, j'amène ma fille à l'école et puis je vais chercher les contres et j'arrive. Et du coup, en fait, j'ai pas fait l'amour avec mon amoureux. T'as fait l'amour avec la corvée, quoi. Non, c'est génial, génial, génial. Non, mais du coup, c'est un peu comme si j'avais fait l'amour avec vous, en fait. Vous voyez ? Non, mais vraiment, vraiment, c'était un grand plaisir, vraiment super sympa. Franchement, c'est putain, quand on fait ça, non, parce que vous savez que on a massacré la Syrie, vous savez, Bachar el-Assad, on est allé balancer des bombes là-bas, on a fait plein de morts. Et puis aujourd'hui, maintenant, vous avez vu ce qui se passe en Syrie, c'est n'importe quoi. Et nous, pendant ce temps, on est là avec Eric, Youssef, on fait de la musique, c'est super doux, c'est super, et puis c'est pas écrit, c'est improvisé, enfin c'est merveilleux. Moi, j'adore. Il a tout dit. Un point de vue d'auditeur peut-être, Fabrice ? Non, j'ai rien à rajouter, excusez-moi. Très agréable. Fabrice qui était quand même coincé entre deux contrebasses, debout, ouais, avec le danger de se faire transpercer un œil par un archer à tout moment. Mais ça rajoute à la tension du concert, à la tension de l'écoute. C'est un magnifique instrument, quoi. Oui. La contrebasse, c'est magnifique. Alors, vu que c'est une spéciale contrebasse, vous pouvez nous parler un petit peu de votre rapport à cet instrument ? Ouais. Vous êtes des contrebassistes purs ou vous y êtes arrivés, enfin, pure façon de... vous avez appris la contrebasse, est-ce que c'est votre premier instrument ? Est-ce que c'est votre première langue ? Ça dépend. Ouais. Bon, je veux bien me lancer. Alors du coup, moi, c'est pas mon premier instrument, mais quelque part, ça reste quand même un peu le premier. Au départ, je joue de la guitare, mais jamais dans une vraie démarche d'apprentissage de la guitare, comme chacun peut gratouiller. Et ensuite, du trombone, du coup, au conservatoire, plutôt dans des domaines jazzistiques. Et alors, la contrebasse, c'est un petit accident. C'est un incident. C'est une rencontre. C'est fortuit. Et le début, je sais pas les copains. Quoi. Moi, je m'imagine pas devenir contrebassiste ou jouer même de la contrebasse. C'est une découverte, c'est comme ça. On était dans une soirée avec des potes, complètement bourré. Et ben voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, j'ai eu la chance de me faire prêter la contrebasse du pote chez qui j'étais. Il m'a dit, oh, bah, prends-la, moi, j'en joue pas, de toute façon. Merci. Voilà. Et après, la musique improvisée, c'est encore autre chose, quoi. Enfin, la manière dont on y arrive. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait. J'aime bien entendre parler de ce sujet-là. Comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on y recherche? Allez, moi, je me souviens de Barré Philippe. Ça a été la première baffe, en fait, je me suis prise, quoi. Je l'ai vu en concert à Nantes. C'était à Nantes pour un festival qui a disparu, qui s'appelait All Improvista à l'époque. Et qui organisait des concerts. Alors, l'originalité de leur démarche, c'est qu'ils organisaient des concerts, mais pas dans des salles de concert. Donc, c'était dans des lieux à Nantes, mais des lieux atypiques, avec une acoustique, une résonance, enfin, des choses. C'est un endroit, l'endroit parlait de lui-même également. Voilà. Et j'ai vu Barré Philippe, et je me suis dit, mais c'est fou tout ce que peut générer comme son cet instrument. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai commencé la contrebasse, plutôt dans des répertoires jazz et autres. Et du coup, en apprenant, grâce à l'enseignement de Marc Desmoreau, j'ai pas vu le même instrument, quoi. Dans l'improvisation, j'ai découvert l'instrument, je pense. Moi, j'ai commencé sur le tard, à 22 ans, la contrebasse. Avant, je faisais autre chose, la guitare, la trompette, des machins, des trucs. Et j'ai découvert cet instrument quand j'étais en fac de musicaux. Et là, j'ai voulu faire de l'improvisation aussitôt, mais j'ai voulu maîtriser mon outil en même temps. Donc, je suis rentré au conservatoire et j'ai fait le cursus. Et j'aime jouer aussi des cantates de bac, j'aime aussi tout ça, quoi. Donc, j'ai fait en parallèle, sauf que ma prof m'interdisait de faire de l'improvisation dans la classe. Je me faisais taper sur les doigts. Et elle m'a appris plein d'autres choses, donc ça va. C'était où? À Poitiers. À Poitiers, ouais. C'est qui déjà, comment ça s'appelle? C'était André Ventre. Elle est retraitée maintenant. Ouais. On est partis ensemble. Elle à la retraite et moi, j'ai fini mes études. D'accord. Et puis voilà. Et puis, il y avait cette improvisation instrumentale, si on peut dire. Faire des choses... que nous propose cet instrument, mais il y a en parallèle tous les sons que j'aime beaucoup, moi, des moines tantriques, des musiques des pygmées, enfin tous les chants de trance, tous ces trucs-là, et le métal, beaucoup, j'adore ça. Et donc, j'ai fabriqué un peu mon univers autour de tout ça, en faisant que de l'archer, je fais quasiment pas de doigts, et je sais pas faire de jazz, voilà, j'ai vraiment fait... J'ai fabriqué mon truc au fur et à mesure de mon évolution. Donc voilà, et puis j'ai rencontré, Claude Chamichian m'a beaucoup, beaucoup épaulé. Ouais. On a beaucoup travaillé ensemble, il m'a ouvert pas mal de choses. Voilà, et puis d'autres gens. Donc voilà, en gros, ma petite histoire contrebassistique. D'accord. Voilà. Je suis très porté quand même sur le physique. Mon rapport à cet instrument, il serait pas loin du masochisme quand même. Ouais. Où j'ai besoin de passer derrière un mur pour pouvoir sortir ce que j'ai besoin de sortir. Il faut dire que c'est super physique la contrebasse. Hein. Moi j'en ai joué 5 minutes dans ma vie et j'ai encore mal. Non, mais c'est vraiment un instrument très exigeant. Ouais, tout à fait. Et je me souviens la première fois que je t'avais vu, Eric, c'était au Vent des Cygnes pas une dizaine d'années, mais. En 2008. Ouais. En 2009. Effectivement, il y a un rapport très physique que j'ai retrouvé de suite là, même si c'est un petit lieu, donc tu peux pas faire des grands gestes, mais c'est vrai que je retrouve bien ce rapport-là, très physique, et on est tous confrontés à ce truc-là, hein, chacun le vit d'une manière particulière, et moi je suis obligé de faire des exercices un peu quotidiens, physiques, quoi, parce que je me sens... Ah ouais, non, parce qu'en plus... Je me sens à l'intérieur de moi-même comme un fil. En fait, je me sentais parce que peu à peu, je travaille sur moi. Et enfin, je vous le dis, ces mois-ci, enfin, je me sens comme un mec normal. Ouais, mais c'est 20 ans de travail pour me sentir un mec normal, quoi. Et enfin, travailler la contrebasse, non, j'ai toujours travaillé au corps, c'est super physique. Et vous savez quoi, un jour, j'étais dans une rupture amoureuse. Et j'étais. Et je pensais tout le temps à cette meuf, Et je sors ma contrebasse pour aller jouer au grand rond. Et elle tombe sur la tête. Dans la housse. C'était l'hiver, les gants, la maladresse. Bam! Donc le manche se casse. Et à ce moment-là, j'ai capté. Putain, j'ai cassé le manche de ma contrebasse. Et tu sais, souvent, vous avez vu là, j'ai astiqué le manche là. Et en fait, il y a un rapport sexuel, quoi, tu vois, au manche de la contrebasse, tu vois. Et c'est-à-dire, comme j'ai un tout petit sexe, j'ai un gros instrument. Non, c'est pas vrai. C'est une plaisanterie. Mais en tout cas, il y a vraiment un rapport sexuel, quoi, à ce truc-là, le manche, quoi, la grosseur du manche. Ouais. Voilà, je m'astique le manche toute la journée, c'est un truc formidable. Eh oui. C'est comme ça que t'es arrivé à la contrebasse. Et alors non, l'arrivée à la contrebasse. En fait, c'est bien. Je crois que j'en parle pas trop parce qu'en fait, je me suis aperçu que quand j'ai commencé la contrebasse, c'était pareil en musicologie. J'arrive à la fac, donc du coup, il y a des cours gratos au conservatoire. Donc j'y vais et j'ai la possibilité de commencer un instrument, le basson, le tuba, le cor ou la contrebasse. Puisque j'étais vieux déjà, j'avais. Que du bas déjà, parce qu'en fait c'est par rapport à la taille, parce que comme on est déjà âgé quand on arrive à la fac. Et donc je commence la contrebasse, le directeur me dit mais pourquoi la contrebasse? Alors je dis parce que ça me semble un instrument incroyable, on peut jouer d'abord toutes les musiques écrites depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, dans tous les styles de musique, il y a de la contrebasse. Et puis en plus moi je suis pianiste à la base et donc là je vais jouer avec du monde, quoi, je vais arrêter de jouer tout seul. Et pour me retrouver 10, 15, 20 ans après à jouer tout seul ma musique. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la musique des autres, la musique de la Renaissance, la musique dont on n'a rien à foutre, je joue ma musique tout seul. Donc, et je comptais pas lui mentir, donc c'était pas un mensonge, c'est juste pour dire que je suis animé de choses, que je crois être animé par des choses, et en fait je me rends compte 20 ans après que je suis animé par d'autres choses. Voilà. C'est comme ce matin, je croyais faire un truc, et puis en fait je me retrouve avec vous. Et la boucle est bouclée. Alors c'est pour ça que la radio c'est un métier, il faut une relance là. Ouais. C'est ça. Je me disais c'est dommage, on n'a pas ramené de CD de grands improvisateurs très bassistes. Enfin, c'est vrai, on pense à Barry Phillips, mais il y a plein d'autres et bon, on n'a pas. Mais peut-être qu'on pourra fournir quelques liens. Si vous avez quelques noms peut-être. Ouais, quelques noms. Noms. Je sais pas. Il y a des. Donc alors en tout cas sur la région, il y a deux improvisateurs que j'apprécie beaucoup, avec qui je passe vraiment des moments fabuleux, notamment à la Gare aux Artistes. Vous savez, c'est un lieu toulousain, enfin juste sur la périphérie de Toulouse, et où je travaille beaucoup avec Isabelle Sirla et Roland Haussard. Et je trouve qu'ils ont pris une dimension. Moi, ça fait 15 ans que je les connais, et aujourd'hui, Isabelle, c'est fou, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique. Et c'est ce que tu faisais tout à l'heure avec ton harmonium, tu fais ton drone, ça. Mais ce que j'apprécie encore plus particulièrement, c'est tous les bruits qui sont pas voulus, qui sont deux. Et ça me fait vraiment voyager, quoi. Et Tchirla, Isabelle, elle fait ça, et Roland, il fait pareil avec un bout de plastique. Mainviali fait ça aussi, mais je veux dire Loubat aussi, mais chacun a son monde. Mais vraiment, c'est putain, elle respire la musique et c'est de plus en plus, c'est de pire en pire, je veux dire. Elle est là, elle c'est vraiment en 15 ans, elle a pris une dimension vraiment. Tu peux rappeler ce qu'il joue comme instrument? C'est un génie. Je trouve que vraiment Isabelle Sirla est un génie. Et clarinette basse essentiellement, et Roland Haussard joue du mélisson, et c'est un instrument qu'il a construit lui-même parce que c'est vraiment un poète fabuleux. Et du mélisson, tu dis? Du mélisson, ouais. C'est un synthétiseur modulaire où il y a des petites boîtes rouges qui servent à bouger les ondes dans un certain sens, les petites boîtes vertes dans un autre sens, les petites boîtes jaunes dans un autre sens. Ils tournent comme ça, trois boutons. C'est comme des Playmobil pour les enfants, sauf qu'il fait avec une musique. Franchement, c'est un mec. Enfin, c'est fou ce qu'il fait. Avec. Et il faut imaginer Roland Ossard arriver avant un concert avec sa valise énorme et tous ses petits boîtiers. Donc, il lui faut une table devant lui qui fait plusieurs mètres carrés où il peut poser tous ses petits boîtiers et puis sortir plein de fils et les brancher comme ça pendant que tout le monde s'installe autour de lui. Voilà, il attend en le regardant. Ça va, Roland ? Oui, oui, attendez encore une minute, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, il va sortir ses sons qui sont... qui sont vivants d'une certaine manière, parce que ce qu'il arrive à faire vivre l'électronique quoi, avec très très peu de moyens, parce que finalement c'est que du traitement du signal, et donc il va arriver à articuler, à faire. Donc Roland Ossard anime un lieu à Albi qui s'appelle Le Frigo, où il se passe pas mal de choses, donc on mettra un petit lien, et je pense qu'on l'invitera un de ces quatre sur France Impro. Il y a un instrument que j'ai eu l'occasion de jouer, c'est Christy Note qui joue des ondes Martenot avec sa copine. Et putain, les ondes Martenot, c'est. Oh là là là là, quel voyage! S'il y a peut-être juste les ondes Martenot qui. Bon, le Mélisson, mais les ondes Martenot, c'est 1927, c'est un vieil instrument, c'est complètement dingue. Hein. Oui, puis Roland, ses instruments, donc, lui, c'est, apparemment, c'était pas prévu pour ça, je crois. C'était pour les enfants, je crois. C'était pour les enfants. Ouais, je crois au départ, c'est ça. Hein. Okay. Ouais. C'est une invention du GME, il me semble. Oui, il l'a fabriqué avec Thierry Bech. Ouais. C'est Roland Ossard et Thierry Bech. D'ailleurs, ça peut être l'occasion. Là, j'ai une super transition, les gars. En ce moment, au mois de mars, à Albi, le GMEA organise les journées électriques. Donc, je vous renvoie vers le site gmea.net et vous avez des tas de choses qui se passent. Donc, c'est du 2 mars au 29 mars. Donc là, on est pile au milieu. Ça commence à être le climax, hein, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. On peut continuer un peu sur l'agenda. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main, là ? Est-ce que vous avez des événements dont vous voulez parler, des choses qui se passent donc ça peut être ici ou ailleurs. Donc tout à fait. Donc il y a les Mutins de Pangée, hein, donc qui sortent en avant-première le documentaire sur Howard Zinn. Donc le 25 mars. Alors j'ai pas toutes les dates. J'en ai que deux dans la tête. C'est le 25 mars à Paris et le 27 à Lavelanet au Cinéma Le Casino. Et il y aura plein de salles comme ça qui vont projeter ce film. Et puis bien sûr, il sortira en national à Paris, parce que vous savez que si tu sors un film pas à Paris, c'est pas une sortie nationale. C'est une sortie nationale que tu sors à Paris. C'est pas un film, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site internet ? Ouais, lesmutinsdepangée.org. Je vous conseille d'y aller, c'est de la bonne piraterie. Moi, je pense à un truc, mais alors du coup, c'est pour moi, parce que ça va être mon premier solo. Je le consacre aux danseurs. J'adore travailler avec les danseurs, je trouve que c'est un terrain de jeu formidable. Et alors du coup, ça s'appelle Jam Contact Toulouse. Si on googlise ça, normalement, on trouve, c'est un site... de passionnés de la danse improvisée et puis qui organisent, je crois que c'est tous les dimanches, ils invitent un musicien ou deux ou trois à venir jouer. Et alors, du coup, j'ai joué la dernière fois, c'était avec un accordéoniste que j'aime beaucoup. Et j'étais les voir, je fais, j'ai envie de faire un solo. Et voilà. Et donc, du coup, je sais pas du tout si je dois préparer le truc, parce qu'il faut jouer 3 heures. Ah oui. 3 heures de jeu. Alors, 3 heures de jeu, il faut aussi un peu de silence. Bon, tu joues avec eux réellement, quoi. Et je sais pas si je me branche ou si je prends c'est ma contrebasse. C'est combien de danseurs ? Hein ? C'est combien de danseurs ? De danseurs, je crois qu'ils sont une quarantaine, 40, 50, voilà, ouais. Dans un espèce de hall là. Et du coup, j'ai envie d'aller danser avec eux. Mais j'ai aussi envie de me brancher, j'ai envie de mettre des machines, je sais pas. J'ai envie de tester. Et je crois qu'ils le feront aussi dans cet esprit là. Et c'est le 29 mars. Donc c'est bientôt. Voilà. Ah, génial. Okay. Ouais, c'est chouette. Redis le nom de Jam Contact Toulouse. Jam Contact Toulouse. Voilà, donc vous pouvez chercher ça sur internet et on fera l'effort de retrouver le lien exact et de le mettre sur franceimpro.net. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main là ? Moi, j'ai donc ce soir, il se passe des choses à la Maison Peinte. Ce soir, 14 mars. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ouais, on peut en parler. Le truc, c'est que c'est pas en direct l'émission, donc ça non, passera après. Non, mais je vais essayer de la mettre en ligne aujourd'hui. Donc de toute façon, nous sommes aujourd'hui. Donc en fait, c'est la Maison Peinte, c'est Eddie Boubaker qui nous invite et on va faire deux duos. Donc moi, je serai à la guitare électrique. Eddie sera au synthé modulaire. Et après, il y a un deuxième duo, donc c'est Eric Brochard avec Florian Nastorg. Nastorg, voilà. Et on n'a jamais joué ensemble, c'est des rencontres, c'est ce que permet la musique improvisée, ce qui est super pour ça, c'est qu'on peut se rencontrer et se découvrir en direct, quoi. Voilà, et c'est à la Maison Peinte ce soir, 14 mars. J'ai une petite question. Je suis toujours épaté de voir que Eddy connaît tout le monde. Comment est-ce que vous connaissez Eddy ? Ah, c'est une bonne question. C'est vieux. C'est vieux. Je pense que ça pourrait faire une rubrique. Pour les ah, ça peut faire une rubrique, oui. Oui. Comment c'est ça. Ça vaut pour tout le monde, d'ailleurs. Ça vaut pour vous parce que vous êtes en tournée en ce moment, Fabrice et Eric, et vous vous arrêtez à la Maison Peinte. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est quand même un lieu privé dans la banlieue de Toulouse, alors que vous venez d'un peu loin, en Touraine, c'est bien ça, la Touraine ? Non, Poitou. Poitou, par exemple, sur... oh, c'est par là. Ouais. Enfin, ouais. Et donc, d'où, où avez-vous rencontré Eric Boubacar ? Moi, j'ai dû le rencontrer à un festival où j'avais joué avec un groupe, d'ailleurs, qui s'appelle L'Échelle de Meaux. Et il avait apprécié le concert, il est venu me voir pour en parler, voilà. Et puis après, moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des lieux pour trouver des concerts, pour diffuser. Et je suis retombé sur lui en fouinant. À travers le site internet des Sonophages ou Alors, moi, j'ai commencé mon travail de prospection de lieux par un site qui est tenu par Lee Kuan Yin, qui est un percussionniste, improvisateur génial, ouais, magique, et qui est vachement dans le partage et dans la solidarité, tout ça. Et il a fait un site qui s'appelle Database Improvisation, où il y a tous les lieux référencés sur toute la planète. C'est classé par pays et tout. Et j'ai commencé, voilà, c'est là-dessus que j'ai fouillé. Puis après, sur Internet, petit à petit, on fait son réseau. Donc, Lee Kuan Yin, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à France Impro, puisque traditionnellement, à chaque émission, on fait une petite lecture de son abécédaire. Mais exceptionnellement, à moins qu'on ait la ressource de l'enregistrer et de l'ajouter plus tard à l'émission, exceptionnellement, il n'y en aura pas aujourd'hui parce que Youssef a oublié son livre. Ouais, c'est ça. On lit l'abécédaire lettre par lettre. Donc aujourd'hui, c'était la lettre F. Voilà. C'est la sixième émission. Favriou. On va se débrouiller. On voudrait bien l'inviter, en fait. Fabrice Favriou. C'est ça. Oui. FF. Fédération française. Eric Groschard. Non. Et toi, Eric ? Et moi, je l'ai rencontré, enfin, on s'est rencontré sur scène à Lyon, il y a 10 ans. Je ne sais pas pourquoi on s'est rencontré ce jour-là, je ne me souviens plus. Je faisais un solo, il jouait en duo avec un autre saxophoniste du collectif Ishtar, qui s'appelle Eddie Kowalski. Ils jouent en duo, et après, on a joué un trio. Et puis, on s'est croisés là. Et toi, Youssef ? Tu as rencontré comment Eddie ? Une table ronde. Une table ronde qui donnait au théâtre du Ring. Et du coup, il nous a parlé un peu de son bouquin et puis il s'est passé plein de discussions. Et ensuite, il jouait en duo, je crois, qu'avec avec Doneda, Michel Doneda. Je crois que c'est ça. Ouais. Moi, je me souviens pas, en fait. Je le connais bien, hein, Eddy, mais je ne sais plus quoi ça fait. Oui, mais quand il fait tellement partie du paysage, c'est très compliqué d'isoler un événement. Tu te souviens, toi, comment tu l'as rencontré, Dominique ? Comment j'ai rencontré Eddy ? Oui, j'ai rencontré Eddy. Alors moi, c'était il y a 3-4 ans. C'était à la Music Hall, en fait. Je faisais partie d'un atelier d'improvisation libre animé par Marc Desmoreaux, où j'ai rencontré des gens formidables et qui a donné... ça a été le point de départ d'un projet qui s'appelle La Fraction Grossière et qui continue aujourd'hui. J'ai rencontré Youssef à cette occasion-là et à une séance, Eddy a remplacé Marc pour animer la session. Et c'était très intéressant parce qu'il avait quand même une vision qui était très différente, une pratique très différente. Enfin, ça m'avait marqué. Et en fait, je l'avais vu un peu avant ça en concert, mais là, c'est la première fois où on avait vraiment discuté, fait connaissance. Et on s'est retrouvés un peu plus tard et on s'est... de concert en concert, mais surtout on a commencé à discuter, à construire des projets ensemble autour du fil. Donc, il y a maintenant un an et demi, quelque chose comme ça, le fil, le grand orchestre de Toulouse, la fabrique d'improvisation libre, qui est un projet qui évolue et qui mue en permanence, et qui vient de faire un concert en mars. En février. Ouais. C'était en février, donc voilà, maintenant prochain concert en juin. Alors, donc avec quoi est-ce qu'on continue, les amis ? Moi, je rejouerai bien un peu. Ok, je vous propose qu'on finisse avec une petite improvisation. Donc, il nous reste environ 10 minutes. Donc, avec le temps de vous installer, prenez votre temps. De toute façon, cette émission est enregistrée parce que la radio, l'antenne FMR, est réquisitionnée pour un partenariat avec l'école de journalisme de Toulouse. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Mais bon, voilà, ça tombe sur le créneau France Impro. Donc, cette émission va paraître aujourd'hui sur le site internet. En podcast et sur nos archives sur archive.org et ça paraîtra en ligne ça c'est pour les auditeurs de FMR un peu plus tard, date à déterminer. Alors voilà les trois contrebasses qui reviennent dans le studio. Voilà, je rebranche les micros, je vais lancer un petit jingle. Notre jingle de fin d'émission, enfin de milieu d'émission France Impro, bien qu'on s'approche plus de la fin. Et ensuite, ce sera à vous, messieurs. Vous êtes sur France Impro.